Original. Ton master Patrice, écoute ça. Écoute en toi cette voix qui parle. Écoute, n'écoute pas les gens qui sur toi parlent. Sache qu'en toi y'a une voix sage qui parle. Y'a comme un vent mystique qui plane dans les airs. Y'a bien souvent trop de vérité dans les têtes pleines de nos frères. Y'a trop souvent de la colère qui rend muette nos prières. Trop d'intervenants qui nous entraînent trop souvent en galère. Ça devient si dur de garder la foi. Si dur d'entendre la voix, si dur de garder la bonne voix quand ton esprit n'est pas sage. Dur de comprendre le message que nous lancent les rois mages. Dur de déchiffrer ce qu'on n'a pas écrit sur une page blanche. Faut pas qu'on se perde dans la nonchalance. Faut pas. Celui qui s'en sait tout parle avec les anges. Danse avec les anges, bouge avec les anges. Dis-moi comment je dois agir. Montre-moi la voie que je dois choisir. There's this voice in my head that's driving me mad. Tell me what am I gonna do. Tell me which way am I gonna choose. There's this voice in my head that's driving me mad. Écoute-toi cette voix qui parle, laisse parler les gens qui parlent. Tell me what am I gonna do. Tell me which way am I gonna choose, yeah. Yes, me ready, ready for the good and the bad and the ugly. Ready for put a foot in your right if you try to rob me. Ready for truth and for love and for study. Babylon can't corrupt me, Babylon them lucky. Record labels and producers couldn't stop me. Fast friends and managements couldn't stop me. Judging me for them, drop me, knock them out. Win me free, don't go rotty. Yes, we said them lucky. Attack them, attack them, says when them a try free. Attack me, block them and block them, says when them a try free. Block me, block them and block them, says when them a try free. Block me, fuck yeah, them could have never fuck me, cause them lucky. Me not judge them, although me know, see them judge me. Et ça c'est entre Dieu et eux, entre cette voix et toi. Ja know the road is rocky. There's this voice in my head that's driving me mad. Tell me what am I gonna do. Tell me which way am I gonna choose. There's this voice in my head that's driving me mad. Écoute-toi cette voix qui parle, laisse parler les gens. Tell me what am I gonna do. Tell me which way am I gonna choose, yeah. Je veux entendre parler les battements de cœur. Je vois que dans les moments de tristesse ou de colère, elle te parle. Elle est dans les mots, dans les larmes, dans le sourire d'un enfant ou dans le regard d'une femme qui te charme. La route est longue, longue, longue, longue, longue. Avant d'arriver sur la terre de la sagesse, écoute en toi les bonnes ondes, ondes, ondes, ondes, ondes. Acquiers en toi la plus grande de toutes les richesses. Smiled in my face, but secretly wanted me to go down. And that voice in my head told me to carry on. I proved them wrong, yeah. I proved them wrong. So many times they said, do do what you're doing is wrong. Dis-moi comment je dois agir. Montre-moi la voie que je dois choisir. Voice in my head that's driving me mad. Écoute en toi cette voix qui parle. Tell me what am I gonna do. What? Tell me which way am I gonna choose. There's this voice in my head that's driving me mad. Tell me what am I gonna do. Tell me which way am I gonna choose, yeah. There's this voice in my head that's driving me mad. Tell me which way am I gonna choose. There's this voice in my head that's driving me mad. Driving me mad.